Nettoyage des parties intimes. Al-istinja. L'islam est une religion qui apporte toute son importance à l'hygiène individuelle et à la propreté. En réalité, l'islam considère la propreté comme faisant partie de la foi. Par conséquent, le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a indiqué aux musulmans tout ce qui permet d'améliorer l'hygiène individuelle, y compris les manières à adopter aux toilettes. C'est le cas du nettoyage des parties intimes, en arabe, istinja. Al-istinja consiste à se laver les parties après avoir accompli ses besoins naturels avec de l'eau, du papier toilette, de la terre sèche ou encore des pierres. Pour ces deux derniers types de lavage, le mot arabe est istijmar. Voici quelques indications sur la manière de se nettoyer. Premièrement, tout d'abord, le musulman dit « Bismillah, Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal-khaba'ith. » Au nom d'Allah, ô Allah, je cherche refuge auprès de toi contre les djinns mâles ou femelles. Ensuite, il entre aux toilettes du pied gauche. Deuxièmement, quand il a terminé ses besoins, il quitte les toilettes du pied droit et dit « Ghufranak. » Je te demande pardon. Troisièmement, il ne doit pas entrer avec quelque chose qui contient le nom d'Allah, à moins qu'il ne craigne de le perdre. Quatrièmement, il ne doit pas faire face de la Qibla, ni lui tourner le dos. Cinquièmement, il doit couvrir les parties intimes de son corps, aura. Cette aura est la partie du corps qui va du nombril au genou pour les hommes, alors que pour les femmes, cela correspond au corps entier. Sixièmement, il doit s'assurer que ni urine, ni sel ne touchent son corps ou ses habits. Septièmement, il doit se laver les parties intimes avec de l'eau. S'il n'y a pas d'eau, il utilise du papier toilette ou des pierres, ou alors ce qu'il y a de disponible et qui convient. S'il combine les différentes choses, c'est-à-dire papier toilette et eau, qu'il utilise d'abord le papier toilette, ensuite l'eau. Ceci est meilleur pour une grande propreté. Huitièmement, il doit utiliser sa main gauche pour se nettoyer et il doit s'assurer qu'il utilise un nombre impair de papier, de pierre, etc.